Annie Lebrun, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par lire une petite biographie que j'ai trouvée sur Internet. Vous êtes née à Rennes, Annie Lebrun, en Ille-et-Vilaine, en 1942. Vous êtes écrivain, poète et critique française. Annie Lebrun, vous rencontrez André Breton en 63 et vous prenez part aux activités du mouvement surréaliste jusqu'en 69, année de l'autodissolution du groupe. Alors par exemple, dans quelles circonstances vous avez rencontré André Breton? Vous avez été le voir et c'était où? Et c'était quoi les travaux du groupe surréaliste? C'était des réunions? C'était des publications? Vous pouvez expliquer un peu ce que c'était les dernières années du surréalisme que vous avez connu? Oui, enfin moi j'ai pas été voir Breton, c'est-à-dire j'étais tellement révoltée, tellement mal dans le monde tel qu'il se présentait dans ce début des années 60 que... je cherchais un peu partout dans les livres auxquels je pouvais avoir accès. Je cherchais des réponses aux questions que je me posais, qui étaient encore même pas vraiment formulées, que j'avais pas vraiment formulées. Et puis tout d'un coup, je suis tombée sur des livres d'André Breton. Et là, j'ai été fascinée parce que il me semblait que tout d'un coup se trouvaient formulées des choses qui me concernaient au plus profond et que je n'y trouvais sans doute pas des réponses, mais que la façon dont les questions étaient posées était plutôt celle qui me convenait le mieux à ce moment-là. Et puis, vous savez, comme il n'y a jamais de hasard, donc dans mes errances, j'ai rencontré, il y avait deux trois garçons dans le désert qui était le Rennes de ces années-là, qui s'intéressaient au surréalisme. Et puis il y en a un qui a pris contact avec Breton, cette chose extraordinaire de répondre tout de suite dès qu'un jeune homme s'adressait à lui. Et donc ce garçon a rencontré Breton, et l'été qui a suivi il m'a dit: mais on peut passer ensemble, puisqu'on passait les vacances ensemble, il m'a dit on peut passer ensemble voir Breton à Saint-Cirq-la-Popie, là où il passait ses vacances dans le Lot. Et donc moi j'étais là, je suis venue, j'étais très timide, je n'ai pratiquement rien dit. Et Breton m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Alors je lui ai dit que je ne savais pas, je savais seulement que je voulais quitter Rennes et que peut-être l'année qui allait suivre, je serais à Paris. Et il m'a dit: dans ce cas-là, faites signe. Et c'est comme ça. Et je suis arrivée l'automne qui a suivi. Bon, à Paris, j'ai attendu, j'ai regardé un peu partout, et puis à un moment, il m'a semblé que c'était peut-être auprès des surréalismes que ce qui m'importait dans le monde sensible était encore préservé. Et là, j'ai fait signe à Breton, et deux jours après, ou le lendemain même, j'avais une lettre où il me disait: oui, nous réunissons quelques-uns là, à tel café, au café La Promenade de Vénus. Et là, je suis arrivée là. Ah, c'est avant les réunions dans les cafés. C'était ça. Il n'y a pas de travail, par exemple, de production de texte. Non, c'était tout sauf... Ah non, je ne sais pas, moi, justement, j'ignore. C'était tout sauf la littérature. C'est ça qui me convenait. C'était bon, il y avait ces réunions tout à fait informelles, si je puis dire, que chaque jour, les gens... Qui était là discutait ouais. De tout, aussi bien de l'actualité immédiate qui était apportée par le marchand de journaux qui commentait l'actualité, avec lequel souvent Breton échangeait des propos, mais que aussi bien les choses, les livres qu'ils avaient lus, les questions qui pouvaient agiter les uns et les autres. Donc c'était quelque chose de très vivant. Et puis bon, après, plus tard, quand il y a eu des projets d'exposition, quand il y avait un projet de revue, bon, ça, c'était autre chose. Mais c'était toujours dans le cadre du café. Parce que c'est aussi cette idée d'un lieu ouvert, hein, ouvert sur l'éventuel, qui est quand même toujours important. Et vous participiez aux revues? Un peu, oui. Oui. Parce que j'ai retrouvé des petites brochures. Oui. D'accord. Ensuite, vous publiez en 67 le recueil Sur le champ, qui est illustré par la peintre Toyen. Est-ce que, par exemple, vous avez de la difficulté pour la première publication? Vous l'avez proposé à plusieurs éditeurs. Comment ça s'est passé? Non, rien du tout comme ça. C'est tout est à l'envers. Bon, j'écris ce texte sans rien savoir. Bon, j'écris ce texte parce que je devais... Il fallait que je l'écris. Nécessité. Oui, c'est ça. Et puis, je l'ai fait lire à la personne avec qui j'étais la plus proche à ce moment-là dans le mouvement surréaliste, qui était Radovan Ivšík, et qui m'a dit « Il faut essayer de le publier. Il faut essayer de le publier. » Mais... à ce moment-là, et je pense comme avant, je sais jamais, les surréalistes n'avaient l'idée d'aller voir un éditeur avec Pignon sur rue. Oui, alors j'ai une question, je vais la poser tout de suite. Est-ce que vous vouliez devenir écrivain? Est-ce que... Non. Qu'est-ce que vous pensiez quand vous étiez, quand là vous aviez 21 ans en 63? Oui. Vous pensiez quoi de votre vie? Vous saviez pas? Vous... Je savais ce que je ne voulais pas. Et c'était? Ne pas accepter un rôle dans cette société-là. C'est tout. Et je n'en savais pas plus. Un jour, j'ai dit, je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je méprise, c'est ça. Et dans le fond, ça a été toujours comme ça. Vous méprisiez le pouvoir. Oui, c'est ça. Et toutes les formes d'autorité, de ce qui fige les êtres, ce qui fige la pensée. Et ça, c'est presque physique. Je ne peux pas supporter ça. Donc, vous êtes pour l'imaginaire aussi, on peut dire, quelque part. Oui, enfin... Pour une part, vous défendez cette part-là, en tout cas, il y en a d'autres, mais vous la défendez. Oui, je défends beaucoup, justement, toute la part sensible, imaginaire de l'individu, parce que c'est le lieu où tout se crée, où tout se fait, tout se défait. Et c'est aussi l'étalon de notre liberté, hein. Et puis c'est le rêve. Donc c'est ça que, toujours moi qui me... Vous parlez aussi de Freud dans ce livre-là. Oui. Parce qu'on va parler du livre « Syrien avait une forme », ce serait cela, oui, qui est sorti il y a un mois ou deux chez Gallimard, en la collection blanche. Vous parlez de Freud aussi, vous l'avez bien étudié, Freud, il vous a intéressé comme auteur. Bah, je pense que, contrairement à ce que certains prétendent aujourd'hui, c'est... Oui, moi je suis plutôt... On ferait, ou d'autres, je pense que quand même c'est... on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et que c'est quand même d'une importance capitale pour essayer de... pour mesurer de quoi nous sommes faits. Bon, on peut aussi... ce qu'il y a aussi d'intéressant chez Freud, et que ce que maintenant les gens qui l'attaquent veulent nier, c'est que c'est aussi une pensée en mouvement. C'est qu'il a passé son temps à se corriger, à essayer de préciser certaines choses. Et c'est un essai de penser ce que en général on refuse de penser. Et c'est ça qu'il y a de bouleversant dans l'aventure de Freud, et ce qu'il y a de très inquiétant quand on essaye aujourd'hui de le réduire à rien. Enfin bon, j'ai pas lu le livre, alors j'ai eu que les échos, mais bon, moi je suis pas partisan de la psychanalyse, par exemple, j'en ai jamais fait, bon, parce que je trouve que se mettre déjà sous la coupe d'un médecin, ça sa vie intime, quoi, je dis pas son corps, parce que son corps, tous les occidentaux le mettent sous la coupe d'un médecin un jour ou l'autre quand ils sont malades, mais mettre sa pensée intime sous la coupe d'un médecin, je trouve c'est, je sais pas, moi ça me gêne quelque part. On peut voir ça comme ça, mais ça aussi, faut pas oublier que ça a aidé. Mais ça, non, mais je dis pas. Déjà, mais ça, bien bon, sûr, mais bien d'un sûr. Autre côté aussi, je pense qu'il faut séparer aussi l'aventure de Freud, cette façon de, qui est indépendamment de l'application, mais cette découverte, n'est-ce pas, de paysages complètement inexplorés jusqu'à lui, c'est quand même quelque chose de fabuleux. On va continuer la biographie. Alors ça, c'est une citation. « À l'air libre seulement, je compris que je me révoltais contre le capital de la vie intérieure, que j'étais arrivé au point où l'on choisit d'être nanti ou affamé. Ce que vous n'étiez pas encore, ce que je n'étais pas encore, tout ce qui était encore et toujours dans l'ombre devenait ma tentation permanente, impatiente et résolue. » Patiente et affamée, je commençais à briser centimètre par centimètre les miroirs du labyrinthe. J'ai parlé sans éclat de voix. Mon cheminement ne fut pas sans éclat de verre. En 72, elle retrouve une activité collective autour des éditions Maintenant avec le poète et auteur dramatique Radovan Ivzik, étoyen. Bon, Radovan Ivzik, nous allons, bon, nous lui avons fait un hommage, vous le savez, je nous sais. Avons passé ça, oui. Nous, après sa disparition au mois de décembre. Oui. Et bon, ben, moi, je connaissais par ses trois livres chez Gallimard. Oui. Et bon, on va rien dire. Je pense que c'est mieux. Oui, on va rien dire. Mais on a une pensée pour lui. En 77, avec le texte Lâchez tout, puis en 90, avec Vagite propre, Annie Lebrun critique la répartition, je cite, insidieuse du moralisme et de la niaiserie caractérise le point de vue féministe militant sur la sexualité, sous couvert d'une enquête objective. Son nommément visé, le livre d'Evelyne Sulro, Le fait féminin, Fayard 78, et celui de Marie-Françoise Hans et Gilles Lapouche, Les femmes, la pornographie, l'érotisme, édition du Seuil en 78. Moralisme et niaiserie, qui, loin d'être inhérents à la parole féminine, surgissent dès qu'on veut rejeter toute la criminalité sur l'autre sexe. Il est à regretter d'entendre répéter un peu partout aujourd'hui comme un fait établi qu'il n'y a pas de femmes voyeurs, qu'il n'y a pas de femmes sadiques, et enfin surtout, mais c'est le béaba de l'aveuglement néo-féministe, que le regard est une fonction phallique. Par exemple, en 2010, vous gardez toujours les mêmes positions. Quelque part, il y a une citation aussi. Attendez, je ne sais plus si je l'ai là. Ou enfin, en gros, pour moi, quand je parle à mes amis d'Annie Lebrun, parce que je parle souvent de vous, vous êtes une personne que j'aime beaucoup et que j'ai fait très souvent référence, je leur dis elle a dépassé le féminisme. Est-ce que ça, c'est un résumé très court? Moi, je n'ai pas l'intention de dépasser quoi que ce soit, parce que dans dépasser, il y a quelque chose de progressiste, je ne prétends aucun progrès, mais les positions que j'ai prises en 77, je les ai toujours aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui moi m'a complètement profondément révoltée, c'est que au moment où les femmes commençaient à pouvoir avoir leur liberté, c'est-à-dire commençaient à pouvoir vivre telle qu'elles pouvaient l'imaginer, dans la mesure où la véritable révolution, c'est la révolution de la pilule, avec la pilule, c'est la révolution de la contraception. À partir de ce moment-là, les femmes peuvent commencer à être et sont libérées de toutes les contingences organiques et physiques. Et il m'a paru catastrophique qu'à ce moment-là, s'est mis en place une idéologie féministe sur le modèle des pires idéologies que les hommes avaient pu inventer, c'est-à-dire on s'est trouvé devant une sorte de stalinisme en jupon qui ne vaut pas mieux que l'autre. Et c'est ça qui a fait que j'ai pris une position très violente à l'égard de tout ce qui se faisait au nom de cette nouvelle idéologie. Parce que je continue d'être bouleversée par les luttes de femmes comme Flora Tristan, Louise Michel, enfin comme les féministes du début du siècle. On a encore une émission féministe ici à la radio, bien sûr, hein, bien sûr. Oui, bon. Et autant et ce féminisme-là, c'est évidemment, on ne peut que être pour. Autant il m'a paru terrible que on se soit trouvé devant la fabrication d'une véritable idéologie, en plus qui n'était pas le fait des femmes qui travaillaient réellement à la liberté des autres. C'était pas le fait des gens qui travaillaient pour la liberté de l'avortement. C'était plutôt des bourgeoises en mal d'écriture qui ont eu à nouveau une attitude de dame patronesse et qui ont joué des dames patronesses intellectuelles pour fabriquer comme un prêt-à-porter idéologique une sorte de néo-féminisme qu'elle donnait, qu'elle essayait d'inculquer aux femmes. Et ça m'a paru terrifiant. Et ça continue. Bah, vous parlez d'Elisabeth Badinter. Oui, et ça continue. Qui est ridicule, c'est vrai, dans la citation que vous en faites, c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, à tel point qu'on m'a proposé de rééditer justement ce ce livre-là, qui reparaît sous le titre Vagite propre, comme déjà il y avait une deuxième édition, et j'ai refait une préface où justement je signale que sous les habits neufs, en quelque sorte, que prend aujourd'hui le féminisme, sous le nom, je crois, de féminisme pragmatique, c'est ça maintenant qu'on a trouvé, aussi bien avec les positions d'Elisabeth Badinter, on voit à quel point cette idéologie-là travaille à la domestication en cours. C'est-à-dire, dans le fond, tout ça, actuellement, tout ce qui met en avant comme libération des femmes, sert à accélérer l'allégeance à la technique. Et ça, c'est très grave. Je trouve très grave aussi que les personnes qui se prétendent féministes, qui se prétendent concernées par la liberté des femmes, ne soient même pas en mesure d'analyser quelle sorte d'asservissement est en train de se faire au nom d'un simulacre de libération. D'accord. On va continuer, il y a eu encore deux, trois lignes, deux, trois références, la biographie, puis après on passera au livre « Si rien avait une forme », ce serait cela. Nous recevons toujours Annie Lebrun sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. En 82, avec les châteaux de la subversion, Annie Lebrun se porte sur le roman gothique et le roman noir fantastique. Alors ça, c'est un très beau livre. Je vous avais reçu pour ce livre-là, si vous vous rappelez. Devenue une spécialiste de Sade depuis sa rencontre avec l'éditeur Jean-Jacques Pauvert en 77, elle rédige une préface et une édition complète des œuvres de Sade. Ah, je vais dire, vous m'avez dit d'intervenir quand c'est pas juste. Alors je vais dire que je ne suis pas spécialiste. Je suis pas spécialiste de Sade, je suis spécialiste de rien du tout. Et que... Mais vous l'avez lu, beaucoup lu. Je l'ai beaucoup lu, je l'aime passionnément, je le lis passionnément, mais je ne suis pas une spécialiste de Sade. D'accord. Annie Lebrun a également écrit sur Aimé Césaire, Alfred Jarry et Raymond Roussel. Je m'interroge sur le fonctionnement à sens unique d'une pensée sur l'amour, censée rendre pourtant compte des mouvements de l'un et de l'autre, qui du coup, au lieu de se développer en moyen de connaissance, se fige en système de représentation. Et je comprends mieux l'incroyable fortune du mythe des machines célibataires, qui sous des allusions modernistes et antilyriques, sans avoir la rigueur de Duchamp, continuent de camoufler ce qu'il faut bien appeler une carence de la pensée occidentale. À l'opposé, seul, il y a Jarry, avec la bouleversante proposition du surmâle, où pour la première fois l'homme et la femme paraissent aller également. Et je me garde bien de dire ensemble, au-devant de leur énigme, c'est quoi aller également? C'est ça dépasser le féminisme? Oui, on pourrait dire d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de fascinant dans je fais allusion au surmâle de Jarry, hein. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que Jarry part de cette phrase, de cette constatation, et qui est la première phrase de son livre, c'est « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment ». Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que de partir de l'idée qu'il y a cette mécanique-là, au départ, cette mécanique de laquelle on ne peut pas échapper, et de laquelle on n'échappe pas. Et je pense que ça, c'est extraordinaire de commencer à penser la question amoureuse à partir de ce constat, de cette trivialité-là. Et ce qui permet à Jarry de passer en quelque sorte en revue toutes les escroqueries au nom de l'amour sentimental, philosophique, etc., pour, à la fin, essayer de donner idée de ce que peut être, de ce que pourrait être un rapport passionné entre deux êtres libres. Nous avons eu quelques points biographiques, Annie Lebrun. Maintenant, je propose que je vais vous poser trois, quatre questions générales. Après, on lira le prière d'insérer et après, on passera à « Si rien avait une forme ». Alors là, la première question, on a déjà répondu tout à l'heure. Dans votre jeunesse, vouliez-vous devenir écrivain? Non. Voilà. Non. Vous saviez ce que vous vouliez pas, vous avez voilà, dit. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je savais. Je voulais respirer. Oui, c'est ça. Quelles furent vos lectures de jeunesse? Qu'en découvrant un livre, on découvre un monde. Autrement dit, quelles furent vos lectures de jeunesse marquantes? Justement, les surréalistes ont beaucoup compté pour moi. Et puis aussi Chateaubriand. C'est très difficile de dire parce que quand je pense à cette, justement à tout ce que vous avez cité tout à l'heure, quand je pense à la famine qui était la mienne, donc je lisais tout et tout était bon pour essayer de respirer autrement. Et je cherchais toujours ce qui ouvre l'horizon. Et souvent, c'est quand même chez les poètes. Donc, bien sûr, Jarry, bien sûr, Charles Cros, et puis après, les romantiques allemands, mais tout ça, c'est... Novalis, que vous citez beaucoup dans ce livre. Oui. Quelle formation avez-vous eu? Qu'est-ce que vous faisiez à Rennes? Vous faisiez des études? Moi, j'ai terminé assez vite, une licence de lettres. Et puis, bon, après, j'ai fait un peu de philosophie, mais j'ai terminé ça. C'est, voilà. Vous n'avez jamais voulu enseigner? Non. Non, surtout pas. Quelle vision aviez-vous du surréalisme avant de rencontrer André Breton en 63? Aucune. Aucune. Bon, j'avais lu des livres, mais vous savez, je ne sais pas si on... Je crois qu'on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui de la rareté de ces livres-là, comme des tableaux qu'on voit aujourd'hui partout reproduits. On ne les voyait nullement, ces livres. Moi, dans la province que j'habitais... J'ai eu beaucoup de mal, je ne trouvais pas tous les livres qui m'intéressaient. Et je me souviens avoir recopié à la main l'anthologie de l'humour noir de Breton. Et il fallait faire vraiment beaucoup d'acrobatie pour arriver à lire les livres qu'on voulait lire. Il n'y avait pas une grande bibliothèque à Rennes? Oui, mais les grandes bibliothèques n'avaient pas... Ils n'avaient pas ces auteurs ça, contemporains? Non. C'est déjà trié. Ils avaient des apports contemporains, cette bibliothèque. Oui, mais c'était surtout pas ça. Je sais même pas si c'était trié. C'était comme si on ignorait tout ce pan de la pensée. Et c'est pour ça que justement, quand j'ai commencé à fréquenter les librairies, à ce moment-là, ça a été si important la découverte du catalogue de Jean-Jacques Pauvert. Parce que lui, justement, dans les années, fin des années 50 et 60, a publié, dans le fond, tout ce qui pouvait importer aux esprits en quête d'un peu d'oxygène. Et c'est lui qui a, bon, ne parlons pas de la publication de Sade, mais c'est lui qui a republié les traductions de Stirner, par exemple. C'est lui qui a republié Roussel. Enfin, tout, c'est incroyable le catalogue de Jean-Jacques Pauvert dans les années 60. Et c'est, c'est certainement l'éditeur qui a ouvert complètement le champ des idées à ce moment-là. Ah oui, c'était le seul qui... Oui. À un moment, j'ai une question sur le corps et l'esprit, mais c'était un des rares qui mettait en scène le corps, quoi. Par exemple, ce oui, point-là, parce que justement, par exemple. Il avait bien senti à quel point c'était important de rendre compte de la question amoureuse et de la question érotique. Ouais. Alors, je vais lire le prière d'inséré de... Si rien avait une forme, ce serait cela, sorti récemment chez Gallimard. Annie Lebrun part du constat suivant. La vie sur Terre n'a jamais été plus menacée qu'aujourd'hui. La société technicienne règne sans partage sur le monde. La réflexion est en panne d'avenir, voire de présent. La pensée occidentale, depuis les débuts de l'incroyance, s'est efforcée d'occulter une question essentielle, celle du mal, du négatif et du noir. À l'œuvre dans le roman noir, dans les châteaux de la subversion, ces constructions mentales et gothiques à l'image du Schilling, des 120 journées de Sodome, en dépit de l'explosion atomique de 1945 et des camps d'extermination, une pensée positive mensongère l'emporte toujours sur la nécessité impérieuse de penser la négativité comme telle. Aurions-nous perdu tout pouvoir de négation, s'interroge l'auteur. en relisant une grande partie de la métaphysique occidentale, plus précisément à partir du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, l'auteur s'efforce d'analyser le principe de la catastrophe conçu jusque-là entre déluge et l'apocalypse, entre le déluge et l'apocalypse, et soudain libéré de son carcan religieux. Pour de nombreux écrivains tels que Sade, Black, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Jarry, Mallarmé, il est désormais possible d'évoquer la catastrophe profane qui culmine dans Auschwitz et Nagasaki. Ces désastres sont le fruit d'un manque d'imagination parce que le pouvoir d'agir et notre imagination se sont scindés. Goethe, Hegel et par la suite Heidegger renoncent à penser le négatif de manière radicale, lequel est toujours considéré comme un moment du positif et finalement occulté. Sade seul maintient et affirme l'obscurité constitutive de l'homme, ce mélange de criminalité et d'imagination, le noir étant alors saisi comme le plus grand défi de la pensée. Aujourd'hui, la marchandisation du désir et la psychologisation du sentiment ont investi le champ du sensible. Les progrès dans l'ordre industriel ont désenchanté les modes d'existence. La passion amoureuse se offre encore avec elle la possibilité de s'aventurer au plus loin de la misère du monde. Dans cet essai remarquable d'intelligence et de clarté, le travail d'Annie Lebrun consiste à repérer les points de tension chargés d'une énergie considérable tout en s'attachant à l'apparition ou la disparition du noir, c'est-à-dire la conscience de l'inhumain qui ne cesse de nous hanter. Elle questionne la philosophie et découvre une partie de la réponse dans la production artistique du XXe siècle. D'abord, première question, Annie Lebrun, sur ce livre. Pourquoi ce titre, si rien avait une forme, ce serait cela? Vous l'expliquez dans la quatrième de couverture. Oui. Bon, étant donné ce que vous avez lu, on voit le côté aventureux et risqué de ce qui a été mon cheminement. Donc, quand il a fallu que je trouve un titre, c'était très difficile. Et puis le hasard a fait que j'ai repris un texte auquel je tiens beaucoup de Victor Hugo, qui s'appelle Le Promontoire du songe, et qui part d'une anecdote qui est que un jour Arago, qui était l'ami de Victor Hugo, lui fait savoir qu'il a maintenant un télescope, l'observatoire, un télescope, c'était en 1834, qui permet de pouvoir examiner mieux que jamais les reliefs de la Lune. Et évidemment, Hugo se précipite pour voir ça, et il est complètement ébloui par le spectacle que lui dévoile le télescope, et en particulier, non seulement de voir les montagnes de la Lune, mais en même temps d'assister au jeu de l'ombre et de la lumière sur cette image des reliefs de la Lune. Et dans son exaltation, à un moment, il dit « si rien n'avait une forme, ce serait cela ». Et quand j'ai relu ce passage-là, je me suis dit que vraiment, c'était ça qui convenait à ce que j'avais écrit, parce que toute cette réflexion tend en quelque sorte à saisir, à savoir comment pouvoir donner forme à ce qui nous hante. Et ce rien, ça peut être la société aussi, on peut voir. Moi, je l'avais pris un peu comme ça, ce titre-là. Si vous voulez, pourquoi pas. Oui, ça peut être tout, ce rien peut être tout. Oui. Et oui, c'est bien ça, oui. Ce livre est construit en trois parties, faites de petits chapitres. Pouvez-vous nous expliquer cette construction? Je ne peux pas... Pourquoi vous n'avez pas fait un texte linéaire, par exemple? Vous auriez pu. Vous avez choisi de faire des parties. Oui, c'est un petit peu... C'est peut-être... Je ne sais pas si j'ai choisi, mais ça s'est passé comme ça. Parce que, bon, dans le fond, ce texte, c'est la suite, un peu à retardement, mais enfin, du précédent écrit il y a 10 ans, qui s'appelait « Du trop de réalité », où justement, je constatais l'état catastrophique dans lesquels nous nous trouvions, c'est-à-dire que au-delà de tout ce que on avait pu constater comme forme d'aliénation, maintenant on se trouvait dans la situation où C'était désormais le monde sensible qui était la proie de la marchandisation intensive qui est en place et qui est mise en route. Et que tout se passait comme si les armes qu'on possédait, les armes sensibles qu'on possédait, nous étaient peu à peu enlevées par cette marchandisation. Et en particulier par la marchandisation de tout ce qui est culturel, etc. Et bon, donc là, j'avais fait il y a 10 ans une critique très violente du monde dans lequel on vivait, en montrant que la censure avait changé complètement de forme, puisque contrairement à ce qu'elle était auparavant, quand la censure reposait sur le manque, sur la privation, aujourd'hui, on avait une censure par l'excès. Une sorte de gavage continuel d'images, d'objets, de marchandises, aussi d'occupation du temps. C'est-à-dire, tout d'un coup, tout ce qui faisait la singularité était de chacun était continuellement agressé par cette production de sensations, mais qui étaient des sensations marchandisées. Bon, donc j'avais fait une analyse très radicale, mais je me trouvais dans la situation désagréable que, le temps passant, j'aurais pu chaque année écrire la même chose. C'est-à-dire un tome 1, un tome 2, un tome 3, les choses ne s'améliorant pas, mais s'aggravant plus tôt. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi tout cédait à cette sorte de domestication progressive et qu'il n'y avait plus rien, tout se passait comme si rien ne s'opposait à cela. Et du coup, je suis revenue très en arrière pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur ce qui me paraissait être une sorte d'usure de notre pouvoir de négation. Et en réfléchissant, il m'a semblé que, et aussi avec l'aide des réflexions de Gunther Anders, il m'a semblé que quelque chose d'assez grave s'était passé à la charnière entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, qui était une sorte de refus des forces sombres, des forces noires qui nous habitent. C'est-à-dire un refus de l'inhumain qui est en nous. Et qu'à partir de là, quelque chose s'est mis en branle dont on mesure aujourd'hui les conséquences. Parce que on se trouve dans la situation où toutes les sociétés traditionnelles ou non, primitives ou non, auparavant, avaient fait une place au mal, aux forces sombres, à travers les mythes, les religions, pour les évoquer de façon ritualisée. Avec le début de la société industrielle, qui mise à fond sur le progrès, qui mise à fond sur la raison instrumentale, on élimine complètement côté noir de l'homme. Bon, pour une nouvelle dévotion à travers l'idée de progrès. Et il se trouve que la société industrielle est la seule qui se paye le luxe de faire comme si ça n'existait pas, en cultivant, mais de façon religieuse en quelque sorte, une sorte de positivité mensongère. Et il se trouve, et c'est ça qui m'a paru assez grave, que ça commence avec une sorte de, ce que j'ai appelé un coup de force, mais qui est en même temps une sorte de panique incroyable de Hegel, qui, au début de sa réflexion, a bien vu à quel point, justement, l'imagination, les forces noires étaient liées, et qui en a sorti le moteur de sa réflexion, à savoir la négativité, mais il a fait en sorte d'intégrer la négativité dans une dynamique de progrès pour produire de la positivité. Et ce faisant, avec cette rationalisation forcenée des forces noires, on s'est retrouvé complètement démunis par rapport à ce qui s'est mis en place, savoir la raison instrumentale et cette nouvelle positivité. Et c'est lié au mythe de la croissance aussi, dans l'ère industrielle en Angleterre, qui a commencé en Angleterre, quoi. Complètement, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et là, ce qu'il y a quelque chose de, aussi de, enfin, moi je trouve de vertigineux, c'est de voir comment la pensée a été en quelque sorte un allié extraordinaire de ce mouvement industriel, justement. Alors, bon, il se trouve que néanmoins, de tout temps, il y a des individus isolés, qui ont, poursuivant le rêve qui les hantait, qui ont déserté ce mouvement-là. Et il se trouve que, justement, ces forces noires ont été prises en compte par des personnes comme Sade, comme Hugo, etc. Mais il n'empêche aussi que ce qu'il y a de remarquable, et c'est ça sur lequel j'ai voulu insister, c'est que au moment où aux deux étapes cruciales justement du développement de la pensée industrielle, à savoir au début, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, quand justement se met en place le monde industriel, eh bien quelques jeunes gens, en l'occurrence les romantiques allemands, tout d'un coup se passionnent pour la mythologie. Alors ça paraît complètement aberrant, mais quand on regarde avec un petit peu de recul, on s'aperçoit que de façon non délibérée, les uns et les autres, même de façon complètement contradictoire, mais essayent de trouver un lieu mental d'où on peut penser différemment, d'où on peut regarder le monde autrement, et c'est pour ça qu'il porte un intérêt particulier, justement, à tout ce qui est de l'ordre de la mythologie. Pareillement, dans les années 30, au moment où il s'agit d'une étape, une sorte de saut dans l'évolution de la société industrielle et dans le triomphe de la technique, eh bien, il est curieux que les esprits les plus avisés du moment, que ce soit du côté de Bataille, Léris, Breton, Masson, tout ce monde-là se retrouve aussi, même de façon contradictoire, à essayer de penser le mythe, de penser la mythologie. Et à nouveau, c'est comme s'il y avait un désir de prendre une distance, justement, même avec des pensées qui se présentent comme révolutionnaires ou radicales, et d'abord, bon, avec le marxisme, qui pense en termes de rationalité, et en termes de rationalité économique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il y a eu ces formes de résistance urgente, en quelque sorte, pour essayer de contrer ce mouvement général. Mais il n'empêche que ça continue de façon catastrophique. Vous parliez du noir, j'ai posé ma question sur le noir. Le noir, cette couleur particulière, a déjà été abordée dans différents textes de vous. Le roman noir, dans Les Châteaux de la Subversion en particulier, en 82. Dans ce livre, cette couleur tient à nouveau une place particulière. Pouvez-vous nous parler de cette couleur et de ce qui s'y attache pour vous? Vous êtes sur Radio Libertaire avec le drapeau noir. Oui, c'est pas par hasard aussi le drapeau noir, je pense. Oui. Parce que c'est... Parce que dans ce drapeau noir, je pense aussi qu'on défend la part irréductible de chaque individu. Et c'est ça que je pense qui importe là-dedans. Mais aussi avec, peut-être il faudrait bon aussi de rappeler que cette... Par Chirico, par exemple, ces tableaux, il y a du noir. Oui, mais peut-être il faudrait rappeler aussi que cette liberté est noire parce qu'elle est dangereuse. La liberté, c'est dangereux. Ce qu'on disait en micro, c'est oui. que je crois qu'il y a oui. une, à mon grand attristement, bien sûr, mm-hmm. mais il y a une masse de gens qui veut pas de la liberté, quoi. Non, ils en ont peur. Oui, ils en ont aussi peur. Aussi qui croient que c'est très simple. C'est pas simple du tout. Et c'est justement ce qu'il y a de très grave, c'est que c'est aussi intéressant de voir combien cette société-là essaye de faire que, comme si les êtres étaient tous... Interchangeables, mais tous aussi dénués de toute agressivité, dénués de toute criminalité. Or, c'est là. Et c'est ça qui est si important, c'est qu'on essaye de gommer complètement cette conscience de l'inhumain qui est en chacun de nous, mais qui, dans le même temps, quand elle est niée de cette façon-là, eh bien, elle revient toujours, et de façon souvent inquiétante. Vous commencez la postface par « Au moment de commencer ce long périple, sans savoir où il me mènerait, l'expression « rien dans les mains et dans les poches » m'avait traversé l'esprit. Ce « sans savoir où il me mènerait » signifie-t-il que votre plume vous menait pour la rédaction de ce livre ? Quelle idée du livre aviez-vous en le commençant ? Est-ce que vous aviez où vous alliez ? Non. Vous n'aviez pas déjà les références, par exemple ? Non, aucune. Non, je ne savais pas. Comme dans un roman qu'en inventant, vous avanciez comme ça. Oui, c'est-à-dire je partais du sentiment d'être complètement démunie. Je partais du sentiment que la plupart des instruments théoriques dont on avait pu se servir et dont la plupart continuaient de se servir étaient complètement inadéquates par rapport à la situation que nous vivions. Du coup, j'ai navigué à vue et petit à petit, j'ai essayé de trouver les points où quelque chose résistait, où les défilés par où je pouvais passer. Et c'est vraiment à la fin, je dis que ce parcours a pris cette forme-là, mais qu'il aurait pu en prendre une autre tout à fait différente et que qui essaye aujourd'hui de penser la condition dans laquelle nous sommes, eh bien va prendre des chemins tout à fait autres, et je prétends à rien, mais je voulais rendre compte des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, et dans les impasses aussi, et montrer les impasses qui sont celles qu'on fait en sorte de ne pas voir. Oui, je peux vous dire, c'est un commentaire personnel, mais il a reçu de très bons échos déjà, votre livre. J'ai eu des échos. Ah bon? Oui, des gens qui l'ont lu. Ben c'est peut-être... Pour vous encourager, parce qu'il faut continuer, persister. Je pense que ça. Et non, mais c'est pas pour moi, mais je pense aussi que c'est... on va dire que... Si ça peut un tout petit peu faire bouger, réveiller certaines réflexions chez des lecteurs, c'est la seule chose qui m'importe. Ce que je redoute, c'est toujours quand la pensée se fige, quand tout d'un coup on doit en passer par des points donnés. Ça, je ne supporte pas les chemins balisés. Et là, ce livre-là, dans le fond, c'est un appel à la... Désobéissance. Bien sûr, mais aussi à la singularité. Et que chacun essaye de... dans le fond, c'est la seule chose qui nous reste, de miser sur ce qu'il y a d'irréductible en chacun de nous. C'est que ça se bat quand même, tout le monde n'est pas d'accord quand même. Il y a un gros flot qui va, mais il y a un autre flot qui va ailleurs, quoi. Oui. Mais il y a toujours des individualités qui déserte. Page 207, vous écrivez « Corps sans idées, idées sans corps, les voilà les fantômes avec lesquels la modernité et ses penseurs auront tout fait pour ne pas en avoir à découdre. Au point de se demander, ce ne serait pas en proportion directe de cette impuissance à penser le corps comme le monde sensible que le XXe siècle aura célébré, artistes et philosophes, toutes tendances confondues. Le lien entre la pensée et le corps, c'est ce que l'on oublie aujourd'hui ?» Oui. On sépare le corps, on le met dans un artifice, et la pensée, on cherche à ce qu'elle soit le moins régnante possible, quoi, la plus plane. Oui, d'abord, et ce qui est terrible aussi, c'est cette sorte de Aussi de marchandisation du corps et de fragmentation du corps. On voit que les organes qui servent de rien que ne serait-ce que ça. Les organes au Brésil, à les yeux, par exemple, dans les favelas, qui sont... Ça oui, mais même aussi esthétiquement, on ne voit, le corps n'est pensé que de façon utile. C'est un corps qui n'est pensé que par rapport à la performance, dans une perspective de performance, que ce soit la performance sportive. Alors, on voit toutes les saloperies que ça court, mais aussi que ce soit la performance érotique. Donc, on est dans ce rapport-là au corps. On est toujours dans cette sorte de course au fameux progrès. N'est-ce pas? Toujours plus de quelque chose. Or, donc, on voit que ce corps-là est complète, dans le fond, est complètement désérotisé. C'est un corps fait de prothèses. Nous avons eu une petite biographie d'abord. Ensuite, nous avons eu le prière d'insérer son dernier livre. Si rien avait une forme, ce serait cela. Et maintenant, nous parlons de ce livre. Je vais lire page 216, une citation, puis après je vais vous poser une question. Mais alors, pourquoi au moment où la planète affolée est en quête d'horizon, s'affaire-t-on un peu partout à dresser les écrans de la croyance? Pourquoi au moment où grands récits et systèmes paraissent de plus en plus illusoires, cherche-t-on à s'appuyer sur l'objectivité en trompe-l'œil d'une religiosité sans religion, adaptable à tous les domaines, religiosité scientifique, religiosité technique, religiosité intellectuelle? Pourquoi enfin, depuis des décennies, les réflexions sur le fait religieux s'amoncelle jusqu'à l'engorgement alors qu'il n'en est pratiquement aucune sur le fait amoureux? L'amour devrait-il être un horizon important, horizon barré par la religion, cette baudruche par exemple? C'est une question un peu... Oui, oui. Ben, je pense que ça vous étonnera si je dis oui. Non, je connaissais la réponse, bien sûr. C'est la réponse. Mais bon. Non, mais ce qui alors, point de vue sur la question, l'amour par exemple, la place qu'on donne à l'amour aujourd'hui et... qui a longtemps été bloqué par la religion en Occident, en France par exemple. C'est oui. La religion qui bloquait l'amour, oui. L'amour libre. Oui. Et il y a eu, vous avez parlé de la pilule aussi. Oui. Bon, ça c'est autre chose, mais oui. Bon. Mais justement, c'est très intéressant de voir comment tout ça s'est passé. C'est que effectivement, il y a eu cette libéralisation extraordinaire du fait justement de la liberté de la contraception. Et qui a fait que donc il y a une tolérance très grande qui s'est établie et qui est devenue d'ailleurs justement qui est devenue l'objet de la marchandisation à laquelle on a fait allusion précédemment. Mais dans le même temps, il est remarquable de voir comment ce monde-là, mais aussi là, beaucoup d'intellectuels, ont travaillé à complètement dépassionner la relation amoureuse. Et ça, je pense que c'est très grave. Parce que du coup, l'amour devient un sport comme un autre. Ce que vous dites d'Elisabeth Badinter, c'est la citation. C'est pas moi qui le dis. Non, ce que vous reprenez, quoi. Oui, ce que je reprends, ouais. Elle dit qu'il faut éradiquer le désir et qu'il faut combattre la passion amoureuse. Et ça, je pense que c'est très grave parce que quand un jour j'ai dit que les amants, c'est une association de malfaiteurs. Dans le sens où effectivement c'est quelque chose, la relation, quand il y a une relation passionnée entre deux êtres, c'est quelque chose de complètement asocial. C'est-à-dire les différentes instances, les différentes formes de pouvoir n'ont aucune prise sur eux. Et c'est ça, je pense que c'est pour ça aussi que l'amour est tellement combattu de part et d'autre. Autant par les différentes formes d'idéologie, autant que par l'entreprise de marchandisation, parce que deux personnes qui vivent quelque chose de cet ordre-là, on ne peut pas les manipuler. Et c'est d'une certaine façon la passion amoureuse est profondément liée à la révolte. Et justement, le discrédit dans lequel est tenu l'amour, actuellement, je trouve ça très, très grave. D'accord, ben ça aura été dit. Je vais lire page 78. violence essentielle dont on a peine à trouver d'autres évocations, si c'est dans cette folie qu'au début de son existence, chaque être risquerait d'avoir à surmonter, ainsi que l'a avancé le psychanalyste Winnicott, violence imprescriptible dans laquelle l'anti-tentissement et la crainte de l'effondrement rivalisent pour ouvrir sur la même infinité obscure. C'est quoi, Annie Lebrun, cette folie qui accompagne l'homme dont vous parlez? C'est un désir de grandeur, c'est désir de petitesse, c'est tout à la fois. Ce serait bien prétentieux de ma part d'essayer de définir, mais il n'empêche que c'est pour ça aussi que le terme de noir me convient particulièrement, parce que à la fois ça dit bien ce que ça veut dire, mais c'est pas un concept, donc ça ne ferme absolument pas la chose. Mais n'est-ce pas, nous sommes habités par cette sorte de, bah aussi par tout ce que nous ne sommes pas, par la violence de ce que nous ne sommes pas, et vraisemblablement quand Winnicott a repéré que chaque enfant en quelque sorte a vécu cette hantise de la folie, c'est-à-dire de tomber dans une sorte de rien. Et ça, je pense que c'est aussi à l'origine de toutes les violences. Si on ne veut pas l'admettre, c'est à l'origine de toutes les violences auxquelles on peut assister. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais si sensible à Hegel et à la fois à son retournement, parce que lui a vu ça en disant qu'il y a une nuit dans le regard de chaque homme. Et c'est toujours cette nuit à laquelle nous avons affaire, et ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Je vais lire page 107. Alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui continue-t-on de faire comme si de rien ne s'était opposé au cynisme de la raison technicienne? Pourquoi alors même que notre époque commence à voir dans quelle prison imaginaire le progressisme technologique nous détient depuis si longtemps, continue-t-on d'ignorer, proche ou lointaine, les forêts de cygnes, les mines de lumière ou les jungles de rêves d'où, depuis toujours, l'insoumission semble sensible, imagine les plus folles évasions? La raison technicienne, c'est l'étouffoir de notre modernité et de l'imaginaire? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute non, à non, ça Non. Je vais poser une question comme ça. Vous auriez été, vous, au début du 19e, est-ce qu'on pouvait refuser la mise en place de machines? Est-ce que vous l'auriez refusé, comme vous citez, je crois, des gens qui se révoltent, qui cassent les machines, oui, vous savez? Oui. Vous auriez été plutôt, vous l'auriez senti, c'est difficile à prévoir ce qu'allait se passer quand même à l'époque. Ce serait malhonnête de dire ce que j'aurais senti, surtout quand on sait comment ce qui est venu après. Mais il n'empêche, c'est pour ça, c'est pas par hasard que j'ai fait allusion aux romantiques allemands qui, justement, au moment où on essaye de, où on agresse la terre pour extraire le charbon, et ce qui est le point de départ de la révolution technique, eh bien, et aussi, c'est très curieux que justement, ces personnes-là s'intéressent particulièrement à la minéralogie et essayent de penser différemment à partir. Vous en parlez à la fin du livre de oui, ça. Oui. Et donc, c'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours des êtres qui, instinctivement, parce que ça joue beaucoup aussi cette question-là, instinctivement, trouve les tangentes, trouve les moyens de déserter les chemins empruntés par tous. Quelle influence a eu pour vous le romantisme allemand? Vous citez Novalis pour, dites-vous, abattre les cloisonnements de tous ordres dans quelque domaine que ce soit, page 132. Vous citez beaucoup le romantisme allemand, là, comme une... Oui, c'est pour... C'est par rapport à l'imaginaire, je prends la volonté créatrice, quoi. Oui. L'imagination créatrice. Et puis aussi, justement, là, ce que je dis, cette sorte, quitte à prendre des risques incroyables, quitte après à prendre... c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est très contradictoire. C'est des êtres tout à fait différents. Mais quitte à risquer tout, les uns et les autres ont essayé, justement, d'élargir l'horizon. Je reviens toujours à ça. Et c'est ce genre de démarche, moi, me fascine toujours, après quel que soit ce que ça donne. Et vous aimez bien Novalis, alors? C'est votre préféré? Parce que c'est des gens, c'était pas beaucoup d'autres, je crois. C'est lui, justement, hein, parce qu'il a une liberté d'esprit incroyable. Et à la fois une liberté d'esprit qui est liée à une sorte aussi d'innocence profonde. Et c'est un mélange fascinant de lucidité, d'intelligence prodigieuse et en même temps d'innocence profonde. Vous citez un peu Goethe, je crois? Oui, mais pour montrer aussi comment Goethe a bien vu de quoi il s'agit avec le noir, mais où lui invente, si on peut dire, le concept de démonique pour, d'une certaine façon, essayer, pas comme Hegel, mais essayer aussi de rationaliser, au moins de canaliser ces forces noires. Les mettre dans une boîte. Oui. Au moins dans un canal. Ouais. Giorgio de Chirico a compté pour vous, Annie Lebrun, par ses architectures de décombres et autres, et surtout par son emploi du noir. Pouvez-vous expliquer l'emploi, cette référence? Parce qu'il y a une représentation, par exemple, d'un tableau de Chirico, où on voit des architectures avec sur la droite, un grand pan noir. Oui. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Chirico, par exemple, ce peintre-là? Parce que vous le citez, bon, je vous pose votre attrait particulier pour lui, quoi. Oui, oui. Moi, je pense que, je suis pas la seule. C'est, une part de la modernité a été complètement bouleversée par les nouveaux paysages que vers 1912-1913, Chirico met en forme. Et ce qui est très important, c'est à la fois qu'il casse le rapport classique à l'Antiquité en ramenant l'Antiquité sous une forme de ruine qui nous interroge. Et ça, la mise en scène de cette Antiquité en ruine qui revient nous interroger se fait aussi par le dévoilement aussi des forces noires qui sont là. Justement, tout d'un coup, dans ce qui pourrait être des perspectives, Chirico fait surgir le noir. Et les ombres chez lui sont d'une opacité incroyable. Et c'est ça qui m'a fasciné. Mais, comme pour répondre un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Chirico est survenu dans ma réflexion. C'est-à-dire au moment où j'essayais d'en savoir un peu plus et d'approcher sans le réduire ce que j'ai appelé le noir, tout d'un coup il m'a semblé que les tableaux de Chirico répondaient à ce que j'avais pensé. Et le noir, vous l'avez surtout pas appelé le mal, hein? Non, parce que c'est une catégorie morale, c'est beaucoup bien plus compliqué que c'est ça. Et c'est bien quand la morale chrétienne s'effondre, alors on parle du négatif. Hein, c'est une laïcisation du mal, si on peut dire, mais une laïcisation qui va être le point de départ à une nouvelle religiosité, à une nouvelle positivité à travers la dynamique du progrès. Et c'est au détriment du noir. Et c'est comme ça qu'on évacue de façon très, très subtile, justement, cette conscience de l'inhumain qui est en nous. Je vais lire, page 190. On s'effraie des conséquences du réchauffement climatique sans même se rendre compte que les grands courants de positivité dont s'accompagne la mondialisation sont tout aussi inquiétants. À la désintégration des icebergs correspond celle des blocs de sensibilité réfractaires encore à la dérive. Car si la domestication philosophique de l'animal connaît la fortune qu'on sait, c'est que le terrain a bien été préparé, que depuis des décennies on s'est appliqué de diverses façons à débarrasser la pensée sauvage de sa sauvagerie. La condition animale sauvage, c'est quoi aujourd'hui, Annie Lebrun, après tout ce qui s'est passé? Vous en parlez beaucoup de la condition animale et sauvage dans ce livre aussi. C'est un des sujets abordés. Oui, parce que justement ce qui jusqu'au début du siècle, pratiquement jusqu'aux années 50, pouvait encore avoir une fonction de référence pour ceux qui voulaient échapper au mouvement général, c'est-à-dire aussi bien les arts sauvages, aussi bien que l'animalité. Eh bien, il me semble que ces réserves, si on veut dire, sont maintenant complètement investies par aussi la marchandisation culturelle à laquelle on assiste. Et c'est pour ça que je voulais que je me réfère à ça pour alerter sur la gravité de la chose. Et pour réveiller sur la pensée sauvage aussi. C'est ça. Ah oui. Et parce qu'on assiste à une esthétisation d'envergure de ce monde-là. Or, c'est tout sauf, il s'agit de tout sauf de démarche esthétique. Et voilà, donc je pense qu'il est grand temps que les uns et les autres retournent à leur sauvagerie propre. Je vais lire, ce sera la dernière question, Annie Lebrun, vous voyez, j'avais peur de ne pas avoir assez de questions, comme tout le monde a pu le voir, je suis malade et je n'ai pas bien préparé cette émission, mais là déjà on n'a plus de temps, donc je n'aurai pas le temps de toutes celles que j'avais préparées. Je vais lire page 197, est-elle en pressentir vaguement le danger que les années 50 auront été le point de départ d'un regain d'intérêt pour les peuples sauvages? Ce fut le fait d'une génération d'ethnologues, mais dont la détermination et la certitude de s'en tenir à l'objectif scientifique ont fait tourner court ce qui aurait pu être un sursaut. L'objectivité scientifique réduit la pensée sauvage. Vous dites, tout effort pour comprendre détruit l'objet auquel vous êtes attaché. Ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Lévi-Strauss. Ah, c'est Lévi-Strauss, pardon, j'ai raté la citation. Il a raison. Mais bon, il se trouve aussi que quand on dégage, on veut dégager les structures de différentes sociétés, quand on veut dégager les invariants, ça se fait aussi au détriment de la singularité de ces cultures. Ça aussi, c'est, il faut en être conscient. Donc c'est surtout ces difficultés que j'essaye de mettre l'accent. Pour essayer de sortir des réflexes conditionnés. Parce que si tout à l'heure on parlait des idées sans corps, c'est qu'il y a, c'est bien aussi, ça renvoie bien à la situation dans laquelle se trouve, où les idées qui sont agitées, les formes qui sont agitées, qui tiennent aujourd'hui un peu le devant de la scène, eh bien sont remarquables par le fait qu'elles ne renvoient pas grand-chose. C'est une sorte de voix off qui permet que se mette en place de toute autre chose et que dont on n'est pas conscient. Donc j'insiste aussi sur l'anachronisme de beaucoup de réflexions soi-disant radicales ou soi-disant révolutionnaires. Ce sera le mot de la fin, Annie Lebrun. Je vous remercie d'être venue à Radio Libertaire. Ça m'a fait très très plaisir, car vous êtes vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que nous avons parlé d'un livre, Si rien avait une forme, ce serait cela, d'Annie Lebrun, sorti chez Gallimard, il y a un mois ou deux.